tenez un drapeau de la FSU ? Oui. Vous êtes dans l'enseignement ? Alors, je suis retraité. J'étais professeur des écoles, directeur dans une école en fin de carrière. Et vous avez eu le temps de voir, je suppose, une certaine dégradation des conditions de travail des directeurs et des professeurs des écoles ? Absolument. Et ça fait... C'est ma 7e année de retraite, donc ça s'est beaucoup amplifié au niveau de la dégradation depuis que je suis parti. Et votre prénom, c'est quoi ? Jean-Paul. Jean-Paul. Et vous continuez du coup à déambuler avec le cortège FSU ? Oui, parce que c'est la mise en mal de notre société solidaire aujourd'hui. Casser les retraites, c'est vraiment... ne pas tenir compte de l'avenir de la population de demain. Merci. Bonne manif. Merci.